Est-ce que j'aurais vu cette vision? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? In that vision, the voice said, dans cette vision, la voix a dit, look and see who is coming. Regarde et vois qui vient. And in the vision, when I looked on my left, et dans cette vision, quand j'ai regardé à ma gauche, I saw the mighty pale horse. J'ai vu le puissant cheval verdâtre coming with the rider, venant avec le cavalier. And behind him, there was darkness. Et derrière lui, il y avait des ténèbres coming with him. Venant avec lui. And then, the second part of the vision, et ensuite, la seconde partie de la vision. That is the first day I saw the church inside heaven. C'est le premier jour que j'ai vu l'Église à l'intérieur des cieux, adorant devant le trône. Laissez-moi décrire ceci pour vous. Écoutez, je ne savais pas que actuellement il y a un corps glorieux et la robe glorieuse. Deux choses. J'avais l'habitude de croire que le corps glorieux c'était la robe. Il y a un corps glorieux et aussi une robe glorieuse. The gown goes down, la robe s'étend en bas and flows a little bit like this, a little flow. Et s'élargit un petit peu comme ceci. A little bit. Un petit peu. And when they are worshiping, et ils étaient en train d'adorer. It was the most beautiful high worship I ever listened to. C'était l'adoration la plus belle et la plus haute que j'ai jamais vue. They were in front of the throne and they were going in one direction, all of them. Ils étaient devant le trône et ils allaient dans la même direction, tous. Like this. Comme ceci. And from where the Lord has looked at me. Et depuis là où le Seigneur m'a regardé, when I looked at them, quand je les regardais, allant dans cette direction, their glorious garments, leur robe glorieuse, they were like camera flashes on my eye. Elles étaient comme des flashs de caméra dans mes yeux. Émettant de la gloire comme 1000 caméras pourraient le faire. Leur robe glorieuse émettait de la gloire. And then I began to prophesy. Et ensuite, j'ai commencé à prophétiser the coming of the pale horse. La venue du cheval verdâtre. Let me stop there. Laissez-moi m'arrêter là. Listen to me. Écoutez-moi. How does this tell us? Qu'est-ce que cela nous dit? The timeline for the coming of the Messiah. Le calendrier pour la venue du Messie. Let us now go into the breaking of the seals. That is the message for today. Allons maintenant au brisement des sceaux. C'est le message pour aujourd'hui. Revelation chapter 6. Apocalypse chapitre 6. This is critical. C'est critique. I need to wash my hands after I finish this message. J'ai besoin de laver mes mains quand j'ai fini ce message. Revelation chapter 6 verse 1 says. Apocalypse chapitre 6 verset 1, il dit. I watched as the Lamb opened the first of the seven seals. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Laissez-moi m'arrêter là et expliquer ceci. Écoutez ceci. Quand j'ai donné la vision des deux anneaux de noces ici, je vous ai dit que la voix a dit, regardez, vois qui est assis sur le cheval blanc. And I said the mighty, powerful white horse. Et j'ai décrit le grand et puissant cheval blanc.

qui est-il? Concentrez-vous maintenant, très rapidement. Quand un des sept sceaux est brisé, regardez. Vous avez un cheval blanc. Vous avez le cavalier. Et il a une couronne. Et il vient pour conquérir. Et maintenant, au 19, vous voyez un autre cheval blanc. Un cavalier. Couronné, venant pour conquérir. Qui est-il? Quand l'Église identifie ce cheval blanc proprement, ça c'est la clé, juste maintenant. Mais le problème est ceci. L'Église. L'Église de Christ a manqué de reconnaître ce cavalier ici. Ça vient, il s'agit du cavalier de l'Apocalypse et rejette-le. Demandez-lui, pourquoi est-ce que vous essayez de ressembler à l'autre? Demandez-lui, si vous êtes le Messie, où sont tes nombreuses couronnes? Pourquoi une couronne? Demandez-lui, si tu es le Messie, où est ton épée? Pourquoi l'arc? Si j'entends arc, je sais qu'il y a aussi des flèches ici. Il a des flèches normalement ici. Il tire des flèches. Il désire ressembler au Messie. Cheval blanc, cheval blanc. Couronne, couronne. Venant pour vaincre, venant pour vaincre. Et il dit, il part en vainqueur. Ça, c'est la signification de partir en vainqueur. Signifiant, il vient, celui-là de l'Apocalypse. Il vient. Mais il n'est pas prêt à recevoir quoi que ce soit d'autre que la victoire. Et Jésus a dit, et Jésus a dit que chaque pierre doit être retournée. Ce cavalier ici, c'est celui qui a menti à l'Église. Écoutez-moi. Celui-là, ici, il apporte le mensonge à l'Église. Maintenant, vous voyez le premier avertissement que le Seigneur donne. Deception, deception, deception. La tromperie, la tromperie, la tromperie. Il désire paraître comme. Il contrefait. Il vient avec une couronne. Nous devrions lui demander pourquoi pas beaucoup de couronnes. Notre Messie a beaucoup de couronnes. Il est le roi de gloire, le roi de justice, le roi de Salem, le rédempteur, le sauveur, Adonai, conseiller, il est tout, il a beaucoup de couronnes. Comment ça se fait que tu viens avec une couronne? Et tu désires nous conquérir? Je l'ai prophétisé.